Pourquoi croit-on au renouveau? À chaque nouvel an, par exemple, ou à chaque surgissement de quelque chose de régulier ou de cyclique, comme l'arrivée du printemps ou même de l'hiver ou de l'été, à ce qui revient, au fond, on est repris par une question de savoir si le fait de la nouveauté, la surprise du nouvel an, le fait d'être à chaque fois pris comme si c'était absolument nouveau, n'était pas une illusion absolue. Une illusion puisque c'est cyclique, une illusion puisque ce nouvel an n'a rien de nouveau, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil qui fait tourner la Terre et où la Terre qui tourne autour du soleil et que finalement bah, ce nouveau n'a rien d'autre que l'effectivité d'une répétition absolument immuable. Le renouveau, la nouveauté elle-même est-elle donc une illusion absolue? Pourtant, le renouveau est réel au moins dans notre sentiment. Il est réel d'abord parce que pour nous, êtres humains situés dans le temps, dans une vie qui malheureusement ne reviendra pas éternellement, dans un éternel retour supposé peut-être pour les astres, mais pas pour nos vies individuelles, eh bien justement, le renouveau n'a rien de garanti. Le retour est d'abord la surprise d'être encore là, la surprise réelle de rencontrer le retour depuis une vie qui, elle, est constamment nouvelle, constamment menacée aussi par la disparition. Ainsi, notre surprise fait partie de notre être devant le retour même du réel et c'est la relation entre nous et le monde. C'est cette rencontre qui définit la nouveauté, aussi simplement parce que le cycle n'est pas la répétition tout le temps du même, mais plutôt le retour d'un changement, puisque le nouvel an arrive le 1er janvier après le 31 décembre, ou la pluie après le beau temps. Il y a donc toujours une réalité dans le renouveau parce qu'il y a un changement et un passage de ce qui pouvait nous sembler destructeur, par exemple la nuit profonde, les ténèbres de l'hiver et puis le surgissement du printemps, le retour après le 21 décembre de la lumière, il y a donc aussi cette réalité d'un changement qui nous fait croire à la réalité du nouveau. Mais peut-être faut-il aller encore plus loin. Peut-être est-ce la répétition du même qui est toujours illusoire. Peut-être la répétition n'est-elle jamais seulement un fait objectif, un fait neutre, un fait simple et évident, même dans l'univers cosmique, même dans son retour perpétuel des choses. La répétition est toujours aussi une perte, peut-être toujours aussi une destruction. Dans notre sentiment, en effet, les psychanalystes, et Freud le premier l'avait montré, la répétition est toujours aussi le sentiment d'une destruction possible, quelque chose qui nous tire vers l'arrière. Ainsi, et peut-être dans l'univers lui-même, la répétition est-elle aussi une perte, une entropie, une énergie qui se perd. Ainsi, il n'y aurait pas d'état neutre qui serait le fait même des choses, un éternel retour immuable et un renouveau qui serait une illusion subjective. Il y a peut-être au contraire deux forces qui se battent toujours en duel, une répétition destructrice, mais aussi un renouveau réel. Et quand le nouvel an arrive, nous croyons irrésistiblement à la force de ce renouveau, ou bien alors c'est que notre renouveau subjectif lui-même est fragilisé, devenu impossible, et que notre sentiment de répétition, de lassitude ou de destruction l'a emporté sur notre capacité de réveil ou de recréation. Mais justement, le renouveau n'est donc pas une illusion. Nous avons peut-être raison de penser que la nouvelle année va réveiller nos possibles.